Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h si vous avez raté la fin. Cette semaine, Syrie, Colombie, quand l'État devient assassin. Une série de Nicolas Jox, réalisée par Christine Diger. Au départ de cette série, il y a les milices paramilitaires qui sèment la terreur en Colombie et les récits des survivants. Il y a l'incrédulité et la stupeur, des dizaines de milliers de morts, des systèmes machiavéliques et des régimes devenus criminels. Il y a aussi la violence érigée en principe, la surveillance, la terreur et l'étonnement, toujours, de constater ce que peut générer la soif de pouvoir. Alors pour commencer, les personnages. Un sénateur démocrate, un écrivain et un plasticien qui consignent la mémoire, des avocats prêts à se sacrifier pour la cause et des victimes qui ne veulent plus se taire. Ensuite, le décor. Des manifestations dans les rues de Bogota, des associations qui sont comme des forteresses assiégées, des digicodes, des sas, un couteau sanguinolent et des villages fantômes. Aujourd'hui, deuxième épisode, à Bogota, il y a des accords de paix entre les gouvernements et les FARC. Colombie, l'impunité des crimes paramilitaires. Dans les rues de Bogota, la capitale colombienne, des dizaines de milliers de personnes manifestent. Elles exigent l'application des accords de paix signés le 26 septembre 2016 entre le gouvernement et les rebelles des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Une guérilla marxiste née en 1966, la plus ancienne d'Amérique latine. Après un demi-siècle de lutte armée, les rebelles ont négocié leur démobilisation et leur réinsertion dans la vie civile. Moi, ce que je veux, c'est juste la paix dans mon pays. Plus de guerre. C'est le moment là, maintenant, où chacun doit prendre ses responsabilités. On avait signé un accord entre la guérilla et le gouvernement. Il était prévu que justice soit faite à tous. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient été embarqués dans cette guerre. À tous. Et aussi que la terre devait revenir à ses propriétaires, c'est-à-dire, dans la grande majorité, aux paysans. Vous avez déjà connu une période de paix en Colombie ? Non, jamais. Mais j'ai toujours essayé d'être aux côtés de ceux qui veulent la paix. Nous avons beaucoup de problèmes de pauvreté, d'injustice. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est un nouveau pays à reconstruire. Un nouveau pays. Ok ? ¿Dónde está la gente que quiere la paz para Colombia? Vamos a hacer el corito de esta canción, ¿se lo saben? ¡Que lo cante toda la plaza! Le conflit armé a fait plus de 260 000 morts, 60 000 disparus, près de 7 millions de déplacés. Une guerre longue et cruelle. Enlèvement, extorsion, enrôlement de mineurs, assassinats de civils, les crimes de la guérilla sont indiscutables. Mais les deux tiers des violations des droits de l'homme envers la population sont imputables à l'armée et à des groupes paramilitaires d'extrême droite. Une violence souvent méconnue que nous nous proposons ici d'explorer. Comment des crimes d'une telle ampleur ont-ils pu se commettre au sein d'un régime qui se présente comme une démocratie libérale ? Les accords de paix avec les FARC sont combattus par un secteur de la société colombienne mené par l'ancien président Álvaro Uribe Vélez, longtemps partisan d'une solution militaire au conflit. Dans la manifestation, nous rencontrons le sénateur Iván Cepeda, membre du Polo Democrático, un parti de la gauche colombienne. Son père, Manuel Cepeda, a été assassiné par l'armée en 1994. Iván, cuéntame, ¿qué pasa hoy? Bueno, en las calles están fundamentalmente miles de Dans la rue, il y a des milliers de personnes, principalement des jeunes, des indigènes, des victimes de la violence qui exigent l'application des accords de la Havane. Qu'on n'attende plus, qu'on ne le bloque plus, que le processus de paix ne faiblisse pas. C'est une mobilisation pour la paix en Colombie maintenant que l'on a signé les accords de la Havane. Il y a des forces politiques qui ont des intérêts étroitement liés à la guerre et qui ont besoin que celle-ci dure. Ces forces sont essentiellement représentées par le mouvement de l'ex-président Uribe. Il incarne une figure de caudillo autoritaire. Il a imposé pendant 8 ans la guerre à la Colombie et maintenant, il voudrait traiter la guérilla des FARC comme une guérilla vaincue militairement, l'obliger à se soumettre et lui refuser toute négociation. Ese sector quiere dilatar, quiere hacer muy difíciles las condiciones para que ces forces veulent faire traîner le processus et rendre extrêmement difficile le chemin vers la paix. Et cette manifestation est là pour leur dire que nous n'allons pas laisser la paix nous échapper. No ha habido un periodo de la vida política de Uribe. Toute la carrière politique d'Uribe est pleine de scandales politiques, l'impliquant, lui, sa famille, son entourage, des scandales qui le relient aux narcotrafiquants et aux paramilitaires, en Antioquia et dans tout le pays. Les paramilitaires ont débuté comme des groupes créés par les militaires pour effectuer les basses besognes d'une stratégie secrète, ce que l'on a appelé les escadrons de la mort. Et puis des groupes paramilitaires dans les zones rurales se sont regroupés en armées, en clans mafieux et ont pris le contrôle de grands pans du territoire. En Colombie, les paramilitaires sont la face particulièrement macabre d'une stratégie de guerre. Il faut remonter le temps pour comprendre l'origine du conflit. En 1965, deux Français, Bruno Muel et Jean-Pierre Sergent, filment dans les montagnes colombiennes la naissance de la guérilla. Des paysans sans terre, pourchassés par l'armée, ont pris les armes et exigent une réforme agraire. Un an plus tard, ils fonderont la guérilla des FARC. La Colombie évoque surtout l'excellence d'un café et passe pour un pays paisible. À tort. Plus que partout ailleurs en Amérique latine, la guerre civile y est une tradition. Entre 1948 et 1952, la dernière fit 300 000 morts. Pendant 4 ans, on brûla, pilla, viola, tua par villages entiers. On appela ce temps la violencia, la violence. Pour échapper à cette barbarie, des paysans jusqu'alors pacifiques prirent les armes, occupèrent des terres qu'ils cultivèrent et défendirent. Ainsi naquirent et se multiplièrent le long de la cordillère ce qu'on appelle « zone d'autodéfense » ou république indépendante, selon qu'on est du côté des paysans ou du gouvernement. Cette juste lutte à laquelle nous consacrons nos efforts dans le but de renverser le régime et d'instaurer en Colombie un gouvernement révolutionnaire de libération nationale. Depuis 2 ans, plus de la moitié de l'armée colombienne est engagée dans des opérations que l'on baptise dans les états-majors « opérations d'assainissement ». Le prétexte, en finir avec le banditisme. La réalité, abattre le mouvement révolutionnaire avant qu'il fasse tache d'huile. La Colombie est le seul pays d'Amérique latine qui a envoyé des troupes aux côtés des États-Unis pour se battre contre la Corée du Nord. Alfredo Molano écrivait. De là, les liens très forts qui se sont créés avec les USA. L'armée devient violemment anticommuniste. Et 10 ans plus tard, des missions américaines imposent progressivement la doctrine de la sécurité nationale et de l'ennemi intérieur. C'est un moyen d'orienter l'armée et la force publique vers une lutte contre le communisme et contre le danger que représente Cuba. Che Guevara disait que la guérilla devait être dans une société civile comme un poisson dans l'eau. Donc pour étouffer la guérilla, ôtez l'eau au poisson et il mourra. Supprimez ses bases sociales à la guérilla et vous l'étoufferez. Éradiquer la subversion communiste malgré la multiplication des opérations militaires, l'armée colombienne est incapable de venir à bout des rebelles. Le pays est immense, les guérillas se replient dans des zones montagneuses, des forêts souvent inaccessibles. les années 60-70, le pays connaît une guerre de basse intensité. La classe dirigeante ne se sent pas menacée par des rebelles encore peu nombreux, actifs à la périphérie de la Colombie utile. C'est à cette époque que l'armée met sur pied les premiers groupes paramilitaires. Les groupes paramilitaires ont une base légale depuis 1965, à la suite d'un décret déclarant l'état de siège. Eduardo Carreño, avocat. Il autorisait les chefs de brigade et de bataillon à armer des civils et à travailler avec eux en groupe d'autodéfense pour éviter que ne surgissent des groupes de guérilla. Cette disposition permettant la création de ces groupes d'autodéfense est devenue loi nationale en 1968. Mais cela n'avait jamais été vraiment mis en place, car les luttes populaires ou même le surgissement de groupes de guérilla n'appelaient pas encore ce genre de réponse de la part de l'État. Ce n'est qu'à partir de 1982 que des vrais groupes paramilitaires apparaissent et passent à l'action. Formalmente paramilitares. Se puede afirmar que dentro de los objetivos iniciales sí estaba combatir a la guerrilla que llegaba a extorsionar. On peut afirmer qu'au début, leur objectif était bien de combattre la guerrilla qui rançonnait ou enlevait des grands propriétaires terriens, des commerçants. Pero cuando se dieron las confrontaciones con los movimientos, et au cours des affrontements avec la guerrilla, ils subirent des revers militaires. Esto lleva a que se plantee el. Alors on passa à l'étape suivante, clairement orientée vers l'offensive. De ofensiva. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una potencia. Nosotros estamos luchando contra el Partido Comunista y todo grupo subversivo de Colombia. Farouk Yanine Díaz et d'autres généraux. Le général Farouk Yanine Díaz et d'autres généraux mettent sur pied des structures spéciales de formation des paramilitaires. Ils font venir des conseillers étrangers qui entrent librement dans le pays, payés par le ministère de la Défense. Yair Klein, un ancien colonel israélien, explique comment ils ont été recrutés et comment ils sont venus entraîner ces groupes de criminels. Les élèves qu'ils avaient étaient des personnes liées à des narcotrafiquants, à des entrepreneurs et à de grands propriétaires terriens, et tout ceci en collaboration avec les militaires. Les hommes de Rodríguez Gacha et Pablo Escobar ont pris part à ces cours. Tout cela est parfaitement documenté. Au début des années 80, une alliance macabre se met en place, unissant les militaires, les grands propriétaires terriens et les narcotrafiquants. Les crimes des paramilitaires se multiplient. À Bogota, nous nous rendons au collectif des avocats, l'une des principales organisations de défense des droits de l'homme en Colombie. Ce sont les portes blindées. C'est l'appareil détecteur d'explosifs pour la correspondance. Entrez, s'il vous plaît. Il faut fermer une porte pour ouvrir l'autre porte blindée. Et voilà, là-bas sont les caméras de sécurité aussi. Hola. Hola. Comment estás? Bien, docteur, comment allez-vous? Voilà, maintenant nous sommes à l'intérieur du collectif Avocats. Je suis Luis Guillermo Pérez Casas, je travaille dans cette organisation depuis 30 ans. Je suis avocat, je représente les victimes des crimes contre l'humanité devant les tribunaux, les victimes des massacres, les victimes des persécutions de la sécurité de l'État contre nous, contre les autres défenseurs des droits de l'homme, aussi contre les communautés organisées comme les organisations syndicales, les organisations paysans, etc. Ici, nous avons 50 personnes qui travaillent depuis 1978 pour la lutte contre l'impunité, pour trouver une sortie politique à la guerre. Il y a eu plus de 400 défenseurs des droits de l'homme assassinés pendant les 50 dernières années en Colombie. Cette année, il y a 54 qui ont été déjà assassinés. Alors nous continuons toujours à nous battre pour défendre les gens qui sont menacés, surtout dans les territoires où ils sont totalement vulnérables. Ici, il y a des cas de représentation des victimes. Par exemple, celle-ci, c'est le cas de Bella Cruz, où il y a eu le massacre d'une communauté paysanne par un grand propriétaire terrain qui était ambassadeur de la Colombie de fonds de l'Union européenne, qui s'appelle Carlos Arturo Marulanda. Et nous avons travaillé dans ce dossier depuis 20 ans et finalement, nous avons obtenu la réparation des victimes et la condamnation de quelques responsables d'avoir commis ce crime contre l'humanité. Voilà ici, Hechos violentos de Trujillo, c'est le cas 11007. C'est plus de 450 personnes qui ont été massacrées par l'armée colombienne avec le groupe paramilitaire. Et nous avons obtenu une décision de la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui oblige l'État à surmonter l'impunité, à réparer les victimes. On crée les brigades mobiles, qui sont des brigades militaires spéciales destinées à affronter la guérilla. Mais une fois effectuées leurs opérations de nettoyage et de contrôle, elles laissent la place aux paramilitaires qui, eux, s'installent et commencent des opérations d'élimination des mouvements populaires. Ils avaient des listes préétablies et fournies par les services de renseignement ou l'armée qui décidaient qui devait être éliminé. Et effectivement, les personnes désignées appartenaient au mouvement paysan ou au mouvement syndicaux ou d'opposition politique. Il a été prouvé que ces éliminations étaient directement effectuées par des personnes appartenant aux structures de l'État, avec l'objectif très clair d'en finir avec le mouvement syndical ou les mouvements populaires, quels qu'ils soient. Dans les années 90, grâce à l'argent du trafic de drogue, les groupes paramilitaires se structurent dans tout le pays. À partir de 1997, le trafic de drogue permet une brutale expansion des groupes paramilitaires qui jouissent d'une complicité directe de l'armée. Javier Osuna, journaliste. Ils se mirent alors à commettre des actions qui infligèrent d'immenses souffrances à ce pays en entrant dans des zones historiquement contrôlées par la guérilla. Ces paramilitaires commirent alors des crimes et des sévices abominables. La peur fut utilisée comme arme de guerre et en découlèrent des massacres ahurissants, plus de 2000 tueries en Colombie entre 1997 et 2005. Señor, ¿está bien? Eso fue un 10 de febrero, donde se encontraba mi hermano y yo. Ese día íbamos a salir de relevo, pero un hijo del diablo nos acusó. Ahí diciendo que éramos guerrilleros, como para ganar o no. Pero como estamos con Dios, y como estamos con Dios, estamos aquí de nuevo. Yo empiezo à investigar la violencia de este país. En 1996, je commence à enquêter sur la violence de ce pays au travers de l'art, de la photographie. Juan Manuel Echevarría, plasticien. Cela fait 20 ans maintenant que je suis sur ce chemin. Quand je dois aller à la rencontre de ceux qui ont souffert de cette violence dans leur propre chair, allá en el campo colombiano. Je dois me rendre dans les endroits les plus reculés de la campagne colombienne, les plus marginalisés. J'ai décidé de partir à la découverte de mon pays, de ses paysans. Mais je ne fais pas seulement de la photo, j'écris aussi des carnets de voyage où je rapporte les histoires que les gens me racontent. El mundo no conoce la situación que ha pasado y que ha sufrido el pueblo Wiwe. Hubo desapariciones, hubo asesinatos, hubo niños huérfanos, madre viuda, padre desaparecido. Eran aproximadamente las 6 de la mañana, cuando en el pueblo disparos se escuchaban. Eran aproximadamente las 6 de la mañana, cuando en el pueblo disparos se escuchaban. Bocas de ceniza, Bouche de cendre, es un proyecto del año 2003. Es un proyecto que date de 2003, donde 7 personas, y dans lequel des personnes massacres, qui ont survécu à ces massacres, testigos de massacres en el campo colombiano, ou qui ont été témoins de ces massacres dans les zones rurales marginalisées, le componen sus propias canciones, font leurs propres chansons sur ces tueries. Entonces yo me encontré en una isla. Un jour, je me trouvais dans le village d'une île afro-colombienne. En el pueblo de Barú, cuando de repente llega lorsqu'est arrivé quelqu'un que je ne connaissais pas y de repente dice, tengo et qui a dit una canción que yo compuse. J'ai une chanson que j'ai composée et je voudrais que l'on l'écoute. Il s'appelle Doris Mel. Él canta esta canción, et il s'est mis à chanter cette chanson sur le massacre auquel il a survécu, lui et son frère, et au cours duquel 8 personnes sont mortes. Il remercie Dieu qui lui a permis de s'en sortir. Señor, tú me salvaste la vida cuando yo más te necesitaba. Y ahora de nuevo tengo que seguirla y entregarte mi alma. Entregarte todo mi cariño, entregarte todo mi amor. Doris Mel. Elle vivait, Doris Mel, una zona del Caribe colombiano, vivait dans une région près de la côte caraïbe. Y la masacre se llamó Trojas de Aracataca. Ce massacre a été appelé Trojas de Aracataca. En la casa donde ellos dormían, donde ellos les habitants dormaient chez eux. Y entran los paramilitares. Lorsque les paramilitaires sont arrivés, y empiezan a señalar algunos campesinos. Ont désigné les paysans à liquider. Los empiezan a matar. Et ont commencé à tuer. Y él cuenta que los paramilitares después de matar a 8 personas. Il raconte comment après avoir tué 8 personnes, ils se sont mis à couper du fromage avec le même couteau que celui qui venait de tuer. Y que el jefe paramilitar de esa masacre, et le chef leur disait, la sangre humana es dulce. Le sang humain est sucré. Y él se salva porque ellos saben que él maneja muy bien. Lui s'en est sorti. La lancha, el bote. Parce que les paras savaient qu'il savait bien piloter son bateau dans cette zone de mangrove. De mangue, espeso de vegetación. Un vrai labyrinthe d'épaisse végétation. Entonces se lo llevan para que él les maneje la lancha. Alors ils l'ont emmené pour qu'il guide leur bateau. En un momento dado en una curva. Alors dans un virage. Acelera la lancha. Il a accéléré le moteur du bateau. Tiran las aguas. Et il a sauté à l'eau. Y él logra. Et il a réussi à s'enfuir et à pénétrer dans la mangrove. Il raconte qu'il s'est enfoncé dans des endroits où personne n'était allé avant lui. Il courait sans s'arrêter parce qu'il les sentait le poursuivre pour le tuer. Quiero vivir para alegrarte, Señor. Quiero vivir para para alegrarte, Señor. Quiero vivir. Es un país donde la guerra pasó todos los límites. Ces massacres ont dépassé toutes les limites de l'horreur et de la cruauté. Inimaginable. Esto de probar la sangre del otro. Jusqu'à goûter au sang des victimes. Y en el paramilitarismo. Dans les groupes paramilitaires, ces rituels autour du sang ennemi ont vraiment existé. Del enemigo. Entraînement des soldats colombiens, base militaire de Salavena, septembre 2001. Je veux me baigner dans une piscine de sang de guerrieros, de bon sang. En 1997, tous les groupes paramilitaires se réunissent au sein d'une seule organisation, les AUC, les Autodéfenses Unies de Colombie. C'est l'époque des grandes tueries. Salvatore Mancuso, par exemple. Salvatore Mancuso, le commandant paramilitaire, a confessé comment les paras ont planifié ces massacres à partir de janvier 1997 depuis la région de l'Uraba. Comment se coordina para comment ils ont entraîné ces 250 paramilitaires pour ensuite les transporter dans le sud du pays, à un endroit où se trouvait la brigade mobile numéro 2, une unité surentraînée. Et pourtant, les paramilitaires sont passés par là, à l'aller et au retour, pour commettre le massacre. Tout ceci se fait en accord avec la police, l'armée, les politiques, les chefs d'entreprise. Donc cette coordination existe et elle fonctionne. En 2001, je rencontre un capitaine de la police judiciaire. Gilberto était en poste dans la région de l'Uraba, sur la côte caraïbe, à la frontière du Panama, un bastion des groupes paramilitaires. En 1997, il est témoin d'une rencontre entre un général colombien et des commandants paramilitaires. Menacé de mort, le capitaine Gilberto devra partir en exil. J'ai organisé cette opération avec seulement deux policiers qui aujourd'hui sont décédés. Ils ont été assassinés à Medellín l'année dernière. Nous étions déguisés pour ne pas attirer l'attention et ne pas se faire repérer. Parce que si cette réunion était importante, il y allait sûrement avoir beaucoup de monde, d'hommes d'escorte, beaucoup de surveillance. Je ne pouvais pas venir avec la voiture de police. Donc on a caché notre véhicule bien loin et on est parti à pied. Et on a marché, marché, marché, déguisé en paysan. Il y avait une plage avec des baraques, c'était le lieu de la rencontre. Le général Rito Alejo est arrivé et s'est réuni avec 5 ou 6 paramilitaires de la zone et un des plus importants surnommé l'Allemand, contre lequel j'avais un mandat d'arrêt envoyé depuis Bogota par le procureur Pedro Diaz. Rito Alejo était un général de l'armée, il était le chef de la 17e brigade. Que dire de plus? En la mesa que se sentaron allá se saludaron entonces pude verlo bien al Rito Alejo reuniéndose con estos paramilitares hablando departiendo. J'ai très bien vu Rito Alejo avec les paramilitaires. Tomando y comiendo. Tous autour de la table ils discutaient, ils buvaient, mangeaient, faisaient des blagues. Era como un encuentro como C'était comme une fête, une réunion entre copains. Et tout autour les militaires, les gardes du corps. Je ne pouvais pas rester. S'il m'avait vu, il m'aurait tué. Tout capitaine que je suis. Je suis resté caché dans les fourrés. De toute évidence, c'était une réunion de coordination entre eux. Et c'est justement le mois suivant qu'eut lieu le massacre de Mapiripan. J'en déduis donc que cette réunion de coordination était sans doute pour parler de ce massacre de Mapiripan. Les avions sortent, vont jusqu'à Apartado, embarquent les paramilitaires avec la connivence totale de la police et des militaires, vont jusqu'à San José del Guaviare, où se trouve la base antinarco de la police, et en repartent sans subir aucun contrôle. Ils franchissent tous les barrages pour aller réaliser leur massacre. La justice a compté jusqu'à 77 morts, seulement pour Mapiripan. Tous des civils. On n'a pas trouvé un seul guerrillero. This motherfucker, shoot. Shoot. La constitution des groupes paramilitaires fait partie d'un plan général, d'une stratégie élaborée par les états-majors. Une stratégie fondamentalement dirigée, inspirée par les États-Unis et la doctrine de la sécurité nationale. La participation du commandement sud de l'armée des États-Unis est évidente. Si les États-Unis l'avaient voulu, ils auraient complètement démonté le paramilitarisme. Car ce sont les États-Unis qui dirigent l'armée colombienne. Et l'armée colombienne non seulement tolérait les paramilitaires, mais elle leur donnait des renseignements, des casernes, des armes, des avions, des protections légales. Sans l'armée, tout ceci aurait été impossible. Les premiers massacres commencent vers la fin des années 1980, début des années 1990. Gustavo Petro, homme politique. Dans les campagnes, dans des fêtes, il tue 30, 40 paysans et le massacre générait la terreur. Pour un massacre, des milliers de paysans fuyaient, ils abandonnaient leurs terres et partaient vers les villes et ils ne revenaient pas. Et ils ne revinrent jamais. Que fue en el 99 donde llegué por primera vez. Je crois que c'est en 1999 que j'ai pour la première fois vu un village fantôme. Chicocora, Chocó, dans le département du Chocó, colombiano, sur la côte pacifique. Y es una zona donde la c'est une zone de forêt tropicale ha desplazado a où la guerre a fait fuir beaucoup de populations afro-colombiana, des afro-colombiens. Y Chicocora era un pequeño pueblo. C'était un petit village aux maisons de bois, aux toits de palme. Quand j'arrive, je ne trouve pas âme qui vive. Les maisons sont envahies par les arbres et par la végétation. La nature est en train de reprendre possession des lieux. Je trouve une école complètement détruite qui s'appelle la Nouvelle École. Il n'y a plus de tableau noir, mais j'y vois des livres d'enfants que je photographie. C'est la première fois que je vois un village fantôme. Et je n'ai jamais oublié. C'est comme un tatouage dans mon cœur. Bien plus tard, en 2010, je me rends dans le vieux village de Mampujano. Les maisons étaient en ruine. C'était un autre village fantôme. J'entre dans l'école et je trouve deux salles avec deux tableaux noirs. Et je les prends en photo. Mais c'est seulement en rentrant à Bogota que je découvre ce que je n'avais pas vu en prenant la photo. Sur un de ces tableaux, il y avait quelque chose d'écrit, des lettres effacées, à peine lisibles. La phrase disait « Ce qui est beau, c'est d'être en vie ». Cela m'est apparu comme la trace de la mémoire de tout un village qui rappelait que ce qui est beau, c'est d'être en vie. Qu'ils n'avaient pas été tués, qu'ils étaient vivants. Ce qui était une exception. con mucha frecuencia. Car en général, là où passaient les paramilitaires, la population paysanne périssait dans un massacre. A la población campesina. Honores al señor comandante general de las autodefensas unidas de Colombia. Atención, presidente. Carlos Castaño, chef des paramilitaires. Vamos a ocupar territorio a nivel nacional. Vamos a intentar. Nous allons conquérir tout le territoire national et nous allons former une seule armée d'un bout à l'autre de la Colombie sous un seul drapeau pour la Colombie. En Colombie, environ 60% des terres agricoles sont dépourvues de titres de propriété. Mauricio Romero, politologue. Cette situation conduit structurellement les grands propriétaires terriens à user de la violence pour expulser les paysans qui ne peuvent évidemment pas réclamer des terres sans titre. Donc ces puissants expulsent violemment les paysans et s'emparent des terres impunément. Les paramilitaires ont constaté que la puissance militaire permettait d'accumuler des richesses et ils se sont mis à expulser les paysans. Parfois, la simple annonce de la présence de ces forces provoquait le déplacement de milliers de personnes. Gustavo Petro, homme politique. Au total, le déplacement forcé concerne 6 millions de personnes. Sans doute, la migration intérieure la plus importante du monde. Cela a eu des répercussions internationales. Beaucoup sont allés vers le Venezuela, l'Équateur, ceux avec plus de moyens vers les États-Unis ou l'Espagne. Mais le déplacement est surtout interne. Les villes se modifient, grandissent et la moitié de leur population est constituée par des déplacés de la violence. À Bogota, qui est pourtant la ville la moins touchée par le phénomène, sur près de 8 millions d'habitants, 600 000 sont des victimes de la violence. Mais à Medellín, c'est le quart de la population et dans les plus petites villes, cette population de déplacés peut atteindre les 50%. Bien sûr, cela modifie la dynamique des villes. Les conflits surgissent et la paix urbaine disparaît. La paz urbana se vuelve nada. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, cerca de 325 campesinos de la capital y la región central ofrecerán sus productos al extranjero. Carlos, tu es chauffeur de taxi. ¿Es que tu has vu grandir Bogotá ces 10 dernières années? 40%. Oui, Bogota s'est agrandi de 40%, je crois. Dans le sud de la ville, on trouve beaucoup de communautés et de personnes déplacées. Ce sont des familles sans ressources. Elles ont été dépossédées de leurs terres ou de leurs fermes par la guérilla, les paramilitaires ou les criminels. Donc tous vont vers la ville pour plus de sécurité. Mais alors la ville devient dangereuse. Il faudrait beaucoup investir dans le social pour que les populations ne changent pas ainsi de vie. Alors tu retrouves ces paysans mendiant dans la rue, dormant sous les ponts ou dans des taudis. Parfois des familles entières. J'en connais une, des Noirs, un couple et 6 enfants qui dorment sur un trottoir. Et le matin, les gens qui les connaissent leur apportent un bout de pain, un reste de repas. C'est incroyable que dans une ville comme celle-là, on voit des choses pareilles. Tous les 4 ans, l'ONIC, l'Organisation nationale des peuples indigènes de Colombie, organise son congrès. Dans un faubourg de Bogota, 4000 Indiens sont venus de toutes les régions du pays pour élire leurs représentants, discuter des problèmes, des luttes à mener pour faire respecter leurs droits. Les Indiens représentent moins de 4% de la population, mais offrent une extraordinaire diversité culturelle et linguistique. Des peuples en résistance depuis la conquête espagnole. J'appartiens au peuple Inga du Putumayo, au sud de la Colombie. L'idée de cette cérémonie, c'est de passer un moment avec les personnes de ce congrès et chacun va pouvoir goûter aux douceurs que nous offre la nature, que nous donne la terre. J'ai amené un morceau de bois, une plante médicinale et une pierre de la rivière de ma région. Freddy Arias était celui qui défendait les droits de l'homme. Il coordonnait tout ce qui touchait à la défense des droits de l'homme du peuple Cuancamo. Et on sait bien que c'est pour cela que les paramilitaires l'ont assassiné. Cette mort a désarticulé nos structures collectives et tout ce qui concernait la formation. La peur s'est installée à la suite de l'assassinat de ce leader des luttes du peuple Cuancamo. Il avait environ 35 ans. C'est une des manières pour détruire les peuples indigènes. Elle consiste à les poursuivre, à commettre des assassinats et des viols de femmes. Il y a eu beaucoup de viols de fillettes et de femmes par les militaires, les policiers, les paramilitaires et aussi les groupes insurgés. La Guardia Indígena nace à raíz de la Garde Indigène est née de toute cette violence. Nace comme une forme de défense. C'est une forme de défense non armée. Nous utilisons des bâtons de commandement pour exercer notre autorité. Nous défendons les indigènes, nos autorités et notre justice. La garde indigène a donc été créée dans le Cauca et s'est étendue à tout le pays. Elle a même été reprise par les Afro-Colombiens, le peuple noir. Elle a prouvé qu'elle fonctionnait. On a réussi à prévenir des interventions militaires. Donc la garde indigène est efficace. Pourquoi attaquent-ils nos territoires pour les piller? On est encore à l'époque coloniale. Ils nous envahissent, nous prennent nos ressources naturelles, les emmènent loin d'ici et ne nous laissent rien. Des indigènes sans terre ne sont plus des indigènes, donc c'est notre grande lutte. Les dernières arrivées sur nos terres sont les multinationales. De grandes entreprises qui viennent extraire des richesses de nos terres, l'or, le pétrole, les émeraudes et beaucoup d'autres minéraux de valeur pour les nouvelles technologies et qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais comment fait-on respecter nos territoires ancestraux? Comment rendre efficace la juridiction indigène? Comment fait-on pour garder sur nos terres les semences que nos ancêtres ont choyées depuis si longtemps? Comment les conserver pour le bien de tous? Mais nous avons su conserver l'eau des rivières, les montagnes, les lacs, les forêts. Nous croyons aux étoiles, à la lune, au soleil. Et c'est cette harmonie de tout ce qui nous entoure que nous devons préserver, nous les peuples indigènes. Thank you. La planification de cette répression a été pensée à longue échéance. Eduardo Carreño, avocat. Le projet, c'est que de grandes entreprises nationales et internationales s'approprient des zones les plus riches du pays. Aujourd'hui, toutes les ressources renouvelables ou non du pays sont remises en concession à de grandes entreprises nationales ou internationales. Et que demandent les multinationales ? Juste des terres libres de guérillas, de mouvements populaires et même si possible, libres de population. Des terres quasiment vierges pour pouvoir y faire ce qu'ils veulent. Pour y parvenir, il faut donc organiser la répression en amont. Afuera los paramilitares de la empresa Drummond. Afuera los paramilitares de la empresa Drummond. Afuera. Paramilitares y militares, la misma mierda son. Todas las mañanas de salir el sol. Tous les matins, au lever du soleil, les paramilitaires sortent de la caserne, crient les mineurs de la Drummond dans les rues de Bogota. En septembre 2001, je rencontre les ouvriers de cette multinationale américaine du charbon. Ils dénoncent la présence de paramilitaires dans la mine. Le président de leur syndicat vient d'être assassiné. Plus de 3000 syndicalistes ont été exécutés en Colombie par les paramilitaires. Une situation unique au monde. Gustavo Soler Mora, para que muerto para este mundo viva para ti, dígnate perdonarlo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Compañero Gustavo Soler Mora. Presente, presente, presente. Compañeros y gente presente, familiares, quisimos nuestro hermano, amigo, que murió por querer ser una persona de hacer valer sus derechos. Para nosotros, él sigue vivo. Vamos a cantar en este momento una canción con mucho amor para él. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres ya grande aún, tienes alma de niño. Y siempre me das tu amistad, tu respeto y cariño. Estamos siendo amenazados por los grupos de extrema derecha. Nous sommes menacés par les groupes d'extrême droite. En los últimos seis meses nos han matado a cinco compañeros. El último. Dans les six derniers mois, cinq de nos camarades ont été assassinés. Et nous enterrons aujourd'hui le dernier d'entre eux, assassiné par les paramilitaires. Le problème de la multinationale Drummond et celui des autres multinationales dans le reste du pays, pratiquer une politique d'élimination des mouvements syndicaux. Nous l'avons dénoncé, mais l'État n'a rien fait. Tout tend à soumettre ce pays à l'esclavage du capital étranger, au néolibéralisme, pour permettre aux multinationales de venir dépouiller le pays de ses richesses. Car c'est tout ce qu'elles savent faire. La oligarquía asesina. Abajo los asesinos paramilitares. Compañero Gustavo, estará siempre en nuestros corazones y en la lucha del pueblo colombiano. Luis Guillermo Pérez, avocat. De gros investisseur international qui arrive et qui croit que dans chaque territoire du pays il peut faire n'importe quoi. Il profite qu'il n'y a pas l'État présent dans beaucoup de régions. Alors il organise, il paye des groupes paramilitaires, il tue les gens, il massacre les gens, il déplace les gens. Alors il faut les forcer à respecter les droits, respecter la Constitution et faire respecter les droits des communautés. Devant tout le système de justice colombien pour empêcher que les crimes continuent à se commettre. Nous sommes menacés toujours. Nous avons des gilets pare-balles, nous avons des voitures blindées, nous devons nous mobiliser avec beaucoup de précautions. Un des fondateurs du collectif qui a été assassiné dans sa maison ici à Bogota, il y a plusieurs parmi nous. Nous étions obligés à l'exil avec nos familles. Il y a encore des menaces contre les petits enfants, les enfants de nos collègues ici. Alors c'est un risque qui existe toujours et qu'on doit affronter parce que nous devons transformer ce pays. Le mouvement des droits de l'homme a commencé à intervenir pour dénoncer les massacres. Alfredo Molano, écrivain. Mais qui dénonce? Des intellectuels, des journalistes, des personnes des classes moyennes qui ont une notion de ce que sont les droits de l'homme et qui ont été choquées par ces brutalités. Et ahí comienzan. También los militares. Alors les militaires et les paras commencent à tenter de les réduire au silence. Ahí viene la masacre de la OP. On doit se souvenir du massacre de l'Union patriotique. On ne peut pas l'oublier. En 1985, Belisario Betancourt, un président conservateur, a tenté de transformer les guérillas en parti politique. Un cessez-le-feu avait été conclu. Mais cette transition n'a jamais eu lieu, car les paramilitaires ont assassiné ce parti. 5000 membres du parti. 3 candidats à la présidentielle, 5000 membres du parti. Ils les ont éliminés par le feu et dans le sang. L'Union patriotique était une tentative de réinsérer la guérilla dans la vie politique. Mais ce sont les paramilitaires qui ont empêché cela, aidés et financés par les narcotrafiquants. Somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad. Somos el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado. Alejandra Gaviria est la fille d'un militant de l'Union patriotique assassiné par les paramilitaires avec la complicité de l'armée. Elle organise régulièrement des marches en mémoire des victimes. Entonces el punto de encuentro del movimiento de crímenes de Estado es el centro de memoria, paz y reconciliación. Ici, il y a le centre de la mémoire, de la paix et de la réconciliation. Un lieu symbolique important pour toutes les victimes de crimes d'État. Aujourd'hui, nous préparons pour cette marche une banderole de plus de 20 mètres avec les visages de beaucoup de victimes de crimes d'État, parmi lesquels le visage de mon père. Il y a plus de 300 visages et tout autour de nous, comme tu peux le voir, les proches de ces victimes, des grands-mères qui portent les photos de leurs disparus autour du cou. Dans la foule, nous rencontrons Luisa. Hola, señora. Bueno, es que soy familiar, sí, mi hermano lo desaparecieron. Mon frère a disparu le 13 mai 1989 du fait du GOES, un escadron de la mort. Dirigente social y político campesino. C'était un dirigeant social et politique, un paysan. Grupo especializado. L'escadron était le groupe spécial de la police. Ils l'ont fait disparaître alors qu'il était avec une adolescente de 16 ans. Elle, ils l'ont violée, lui ont tiré 7 balles et ont jeté son corps dans la rue. La paz nos pertenece, la paz nos pertenece, la paz nos pertenece, la paz nos pertenece, la paz nos pertenece. En este país, las víctimas de crímenes de Estado, pues sus casos son. Dans ce pays, les victimes de crimes d'État sont traitées très injustement. Pues injustos, no se hace ninguna investigación. Aucune enquête n'est jamais diligentée. Soy de la Universidad Nacional y estudio historia, entonces mi razón, o sea, mi pregunta todos los días. Je suis étudiante en histoire. Et je me pose tous les jours la question de savoir pourquoi aucun livre d'histoire ne parle jamais de cette blessure profonde et qui reste un cas unique au monde. Entonces, nous empezamos a decir, vamos a cambiar esa dinámica que hay. Alors nous essayons de changer cette dynamique pour cette histoire, pour nos parents. Nous sommes leurs enfants et nous allons porter leur voix. Et nous n'allons plus jamais laisser personne justifier cette mort ou aucune autre mort. Nous commencerons ainsi à détruire tous ces pactes de peur qui existent depuis si longtemps.